Chapitre 13. Insurrection du nord de l'Angleterre pour rétablir la papauté et anéantir la réformation. Octobre 1536. 8-13. Agitation dans les comtés du nord, fermentation dans les campagnes, émeutes en Lincolnshire, 20 000 hommes en révolte, menace du roi, le pèlerinage de grâce, discours de Latimer et d'Aske, les nobles, Northumberland, effroi de Henri et de Londres, bassesse des insurgés, le héros du roi devant les chefs rebelles. L'armée rebelle marche sur Londres, proclamation royale, condition des rebelles, ils se dispersent, révoltes et répressions postérieures. Le système bâtard d'un catholicisme sans pape, préconisé par le roi, ne jouissait pas d'une grande faveur, et la réforme évangélique gagnait toujours plus d'adhérents. Le système papiste plus conséquent prétendait lui tenir tête. Il y avait encore beaucoup de partisans de Rome dans l'aristocratie et parmi les populations du Nord. Un effort puissant allait être fait pour chasser soit le protestantisme de Cranmer, soit le catholicisme du roi et rétablir la papauté dans ses privilèges. Une grande révolution ne s'accomplit guère sans que les amis de l'ancien ordre de choses se coalisent pour l'arrêter. Plusieurs membres de la Chambre des Lords voyaient avec alarme la Chambre des communes acquérir une influence qu'elle n'avait point jusqu'alors possédée et prendre l'initiative de réformes qui n'étaient pas, pensaient-ils, de son ressort. Élevés dans la haine de l'hérésie, ces nobles seigneurs s'indignaient de voir des hérétiques revêtus de la dignité épiscopale et un laïc, Cromwell, prétendre gouverner la convocation du clergé. Quelques-uns d'entre eux formèrent une ligue et Lord Darcy, qui était à leur tête, conféra sur le sujet avec l'ambassadeur de Charles Quint. Ce prince lui assura que l'aide ne lui manquerait pas. Les Anglais, partisans du pape, aidés des impériaux, suffiraient amplement, pensait-on, pour établir l'autorité du pontife de Rome. L'agitation était grande, surtout parmi les habitants des villes et des villages du Nord. Ceux des comtés d'York et de Lincoln, trop éloignés de Londres pour en subir l'influence, d'ailleurs ignorants et superstitieux, étaient soumis aux prêtres comme aux représentants de Dieu même. Les noms des réformateurs, Luther, Mélenchon, Ecolampade, Tyndale, étaient connus de leurs prêtres qui leur apprenaient à les détester. Tout ce qu'ils voyaient les irritait. S'ils voyageaient, les couvents qui étaient leurs hôtelleries habituelles n'existaient plus. S'ils travaillaient dans leurs champs, ils voyaient venir quelques moines déguenillés, la barbe et les cheveux en désordre, l'œil hagard, sans pain pour se nourrir, sans toit pour s'abriter, et à qui la haine donnait pourtant la force de se plaindre et de maudire. Ces malheureux, errant çà et là, allaient frapper de porte en porte. Les paysans les recevaient comme des saints, les faisaient asseoir à leur table et se privaient pour eux de leur nourriture. « Voyez, disaient ces religieux, en montrant leurs lambeaux aux gens qui les entouraient, voyez dans quel état se trouvent les membres de Jésus-Christ. Un prince schismatique, hérétique, nous a chassés des maisons du Seigneur. Mais le Saint-Père l'a excommunié, détrôné. Nul ne doit plus lui obéir. » Ces paroles faisaient effet. Quand l'automne fut arrivé, c'était en 1536, la fermentation augmenta au milieu des habitants des campagnes qui n'avaient plus les travaux des champs pour les distraire. Ils se réunirent alors en grand nombre autour des couvents pour voir ce que le roi en voulait faire. Ils regardaient de loin et suivaient des yeux avec colère les commissaires qui se comportaient parfois avec violence, se livraient à des exactions ou faisaient tomber l'une après l'autre les pierres de l'édifice, si longtemps vénéré sous le marteau des démolisseurs. Un autre jour, ils voyaient l'agent de quelque lord s'établir avec sa femme, ses enfants, ses domestiques dans le monastère. Ils entendaient ces profanes laïcs franchir en babillant et en riant les portes sacrées dont les sandales des moines taciturnes avaient seules jusqu'alors touché le seuil. Le bruit se répandit bientôt que les monastères, encore debout, allaient être aussi supprimés. Le docteur Macrel, ancien prieur de Barlings, déguisé en artisan, et un moine, quelques-uns disent un cordonnier, nommé Melton, qui reçut le nom de capitaine savetier, s'efforcèrent d'enflammer les esprits et de les pousser à la révolte. Partout le peuple prêtait l'oreille aux agitateurs. Bientôt le haut clergé lui-même parut dans l'ordre de bataille. « Sa Majesté le Roi, dit-il, ni aucun laïc ne peut être chef de l'Église. »« Sa Majesté le Roi, dit-il, ni aucun laïc ne peut être chef de l'Église. » le pape de Rome est le vicaire de Christ et doit être seul reconnu comme chef suprême de la chrétienté. Le lundi 2 octobre 1536, la commission ecclésiastique devait faire la visite de la paroisse de Louth en Lincolnshire. Le clergé du district y était convoqué. Peu de jours auparavant, un monastère voisin avait été supprimé et deux des agents de Cromwell s'y étaient établis pour en faire la clôture. La veille de l'inspection, c'était un dimanche, une troupe de gens de la ville s'empara d'une grande croix d'argent qui appartenait à la paroisse en s'écriant « Suivez tous la croix, Dieu seul sait si nous le pourrons longtemps encore ». Puis la procession parcourut la ville, ayant Melton en tête. Quelques-uns se rendirent à l'église, s'emparèrent des joyaux sacrés et restèrent en armes pour les garder, de peur que les commissaires royaux ne les enlevassent. Le lundi matin, un de ces commissaires, qui ne se doutait de rien, entrait tranquillement à cheval dans la ville suivi d'un seul domestique. Tout à coup, le tocsin sonne et une foule d'hommes armés remplissent les rues. Le commissaire épouvanté se sauve dans l'église, croyant y trouver un asile inviolable, mais ces furieux le saisissent, le traînent sur la place, lui mettent une épée sur la poitrine et lui disent « Prête serment de fidélité à la commune ou la mort ». Toute la ville jura d'être fidèle au roi, à la commune et à la Sainte Église. Le mardi matin, le tocsin sonna de nouveau. Le savetier et un tailleur nommé le Grand Jacques se mirent en marche, suivis d'une foule d'hommes à pied et à cheval. Des paroisses arrivaient, les prêtres en tête, et marchaient avec la bande. Les moines priaient tout haut pour le pape et criaient que si les gentilshommes ne se joignaient pas à eux, il fallait les pendre tous. Mais des gentilshommes et des shérifs même vinrent grossir ces troupes tumultueuses. 20 000 hommes de Lincolnshire étaient en armes. L'Angleterre, comme l'Allemagne, avait sa révolte de paysans. Mais tandis que Luther s'y était opposé, l'archevêque d'York, des abbés et des prêtres l'encourageaient en Angleterre. Les insurgés ne tardèrent pas à faire entendre leurs griefs. Ils déclarèrent que si les monastères étaient rétablis, les hommes de petite naissance, renvoyés du conseil, les évêques hérétiques destitués, ils reconnaîtraient le roi comme chef de l'Église. Le mouvement était suscité par les moines plus que par le pape. De grands désordres furent commis. Cette révolte plongea la cour dans la consternation. Le roi, qui n'avait pas d'armée permanente, sentit sa faiblesse et sa colère ne connut pas de bornes. « Quoi, dit-il aux traîtres, c'était le nom qu'il leur donnait, vous, grossiers habitants d'un comté, et encore du comté le plus abruti et le plus brutal de tout le royaume, vous prétendez gouverner votre roi? Retournez dans vos maisons, livrez à nos lieutenants 100 de vos chefs, et préparez-vous vous-même à subir les châtiments dont nous vous jugerons dignes. Sinon, vous exposerez vos vies, vos femmes, vos enfants, vos terres, vos biens, non seulement à la colère de Dieu, mais encore à une destruction totale par la puissance de l'épée. » Ces menaces ne firent qu'accroître l'agitation. « Le christianisme va être aboli, » disaient les prêtres au peuple. « Vous allez vous trouver sous le glaive des Turcs, mais quiconque répandra son sang avec nous héritera une gloire éternelle. » On accourait de toutes parts. Lord Shrewsbury, envoyé par le roi contre la rébellion, n'ayant pu réunir que 3 000 hommes, et ayant à en combattre au moins 10 fois autant, s'était arrêté à Nottingham. Londres croyait déjà voir les rebelles arriver. On fit de puissants efforts. Sir John Russell et le duc de Suffolk s'avancèrent avec des corps équipés à la hâte. Les insurgés étaient 60 000, mais sans chef capable et sans approvisionnement. Deux opinions se formèrent parmi eux. Les gentilshommes et les fermiers disaient « à la maison », les prêtres et le peuple criaient « aux armes ». Le parti des amis de l'ordre ne cessait de s'accroître. À la fin, il prévalut. Le duc de Suffolk entra dans le Lincolnshire le 13 octobre et les rebelles se dispersèrent. Un danger plus grand menaçait l'ordre établi. Les hommes du Nord étaient plus ultramontains que ceux de Lincoln. Le 8 octobre, une émeute eut lieu à Beverley, dans le Yorkshire. Un avocat de Westminster, Robert Ask, qui avait passé ses vacances à la chasse, retournait à Londres. Il fut arrêté par les rebelles qui le proclamèrent leur chef. Le 15 octobre, Ask marcha sur York et y remit les moines en possession de leur monastère. Lord Darcy, ancien soldat de Ferdinand d'Espagne et de Louis XII, ardent partisan du pape, quitta son château de Pomfret pour se joindre à l'insurrection. Les prêtres soulevaient le peuple et bientôt l'armée, qui montait à 40 000 hommes, forma une longue procession, le pèlerinage de grâce, qui parcourut le comté d'York. Chaque paroisse marchait sous un capitaine, les prêtres portant en tête la croix de l'église en guise de drapeau. Une grande bannière, qui flottait au milieu de cette multitude, représentait d'un côté Christ sur la croix avec les cinq plaies, et de l'autre une charrue, le calice, le Saint-Ciboire et un corps de chasse. Sur la manche de chaque pèlerin étaient représentées les cinq plaies, avec le nom de Jésus au milieu. Les insurgés avaient un millier d'arcs et de haches, et bien d'autres armes, mais à peine un seul pauvre testament de Christ. « Ah !» disait Latimer, prêchant dans le Lincolnshire même, « je veux vous apprendre, moi, quel est le véritable pèlerinage du chrétien. » « Il s'y trouve, nous a dit le Sauveur, 8 stations différentes. » Puis il décrivait de la manière la plus évangélique les 8 béatitudes. Les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, qui sont doux, qui ont faim et soif de la justice, et les autres. Mais Aske voulait un tout autre pèlerinage, et s'adressant au peuple de ses contrées, il disait « Seigneurs chevaliers, maîtres et amis, des personnes mal disposées ont rempli l'esprit du roi d'inventions nouvelles. Le corps sacré de l'Église a été dépouillé. Nous avons donc entrepris ce pèlerinage pour obtenir le redressement des griefs et le châtiment des hérétiques. Si vous ne venez pas avec nous, nous combattrons contre vous. » De grands feux étaient allumés sur toutes les collines pour appeler le peuple aux armes. Partout où les nouveaux croisés paraissaient, les moines étaient rétablis dans leur monastère et les paysans contraints à se joindre au pèlerinage sous peine de voir leurs maisons rasées, leurs biens confisqués et leurs corps livrés à la merci des capitaines. Il y eut une différence notable entre la révolte de l'Allemagne et celle du nord de l'Angleterre. En Allemagne, quelques nobles seulement se joignirent au peuple et furent contraints à le faire. En Angleterre, les seigneurs du nord accoururent presque tous de leur plein gré. Le comte de Westmoreland, Lord Latimer, Lord Lumley, les comtes de Rutland et de Huntington, Lord Scrope, Lord Conyers, et les représentants de plusieurs autres grandes familles suivirent l'exemple du vieux Lord Darcy. Un seul seigneur, Percy, comte de Northumberland, demeura fidèle au roi. Malade depuis l'inique jugement qui avait frappé la loyale épouse d'Henri VIII, jugement auquel il avait refusé de se joindre, Northumberland était alors dans son château, couché sur un lit de douleur qui devait être bientôt son lit de mort. Les rebelles entourèrent sa demeure et le firent sommer d'adhérer à l'insurrection. Il eût pu alors venger le crime commis par Henri VIII contre Anne Boleyn. Il s'y refusa. Des voix sauvages criaient « Coupez-lui la tête et faites Sir Thomas Percy comte à sa place ». Mais cet homme noble et courageux dit tranquillement à ceux qui l'entouraient « Je ne puis mourir qu'une fois. Qu'il me tue, ils mettront ainsi fin à mes peines. » Le roi, bien plus effrayé de cette révolte que de la première, se demandait avec effroi si son peuple voulait le contraindre à se remettre sous le joug détesté du pape. Il déploya alors une grande activité. Il fit écrire à Cromwell de Windsor, où il était, lettre sur lettre. « Je vendrai toute mon argenterie, dit-il, allez à la tour, prenez les joyaux de la couronne, frappons monnaie. » Henri ne montra pas moins d'intelligence que de décision. Il nomma pour commander sa petite armée un serviteur dévoué, mais qui était le chef du parti ultramontain à la cour, le duc de Norfolk. Déjà, pour condamner la protestante Anne Boleyn, Henri avait choisi ce chef du catholicisme. Cette fine politique réussit également au roi dans ces deux affaires. Londres, Windsor et tout le midi de l'Angleterre étaient dans une grande agitation. On s'imaginait que la papauté, portée sur les bras vigoureux des hommes du Nord, allait rentrer en triomphe dans la capitale, que peut-être le roi catholique d'Écosse, neveu de Henri, y entrerait avec elle et remettrait l'Angleterre sous le sceptre papal. Les amis de l'Évangile étaient profondément émus. « Le prince de la puissance de l'air, disait Latimer dans les chairs de Londres, a de grandes bouches à feu avec lesquelles il tire contre le peuple du Seigneur. Ces hommes du Nord, qui étaient la croix et les plaies du Seigneur, marchent contre celui qui a vraiment porté la croix et à qui les plaies ont été faites. Ils se lèvent, disent-ils, pour soutenir le roi, ils combattent contre lui. Ils se présentent au nom de l'Église et marchent contre l'assemblée des croyants. Combattons avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Les rebelles, loin de s'apaiser, se montrait au moins en partie animée des sentiments les plus vils. Une troupe d'insurgés avait investi le château de Skipton, seule place qui, dans le comté d'York, tint encore pour le roi. La femme et les filles de Lord Clifford et d'autres dames qui l'habitaient se trouvaient dans une abbaye peu éloignée au moment où le château fut cerné. Les insurgés firent savoir à Lord Clifford que s'il ne se rendait pas, sa femme et ses filles seraient amenées le jour suivant devant le château, au pied des murs et livrées aux valets. Au milieu de la nuit, Christophe, frère de Robert Husk, mais resté fidèle, se glissa à travers le camp des assiégeants, prit des chemins non fréquentés et parvint à ramener dans le château toutes ces dames qu'il sauva ainsi des derniers outrages. Robert Husk, Lord Darcy, l'archevêque d'York et plusieurs autres chefs avaient leur quartier général au château de Pomfret. Le héros de Lancaster, envoyé par le roi, s'y présenta le 21 octobre. Ayant traversé plusieurs troupes d'hommes armés, d'un aspect farouche, il fut enfin introduit devant le grand capitaine. Voyant devant lui l'archevêque et Lord Darcy, personnage plus important que l'avocat de Westminster, le héros leur adressa la parole. Husk, choqué, se leva et lui dit avec fierté que c'était à lui qu'il devait s'adresser. Le messager s'acquitta de sa mission. Il représenta au chef de la rébellion qu'il n'était qu'une poignée devant la grande puissance de sa majesté, et que le roi n'avait rien fait quant à la religion que ce que le clergé d'York et celui de Canterbury avaient reconnu conforme à la sainte parole de Dieu. Ce discours fini, Husk, comme s'il eût méprisé les paroles du héros, lui dit rudement « Montrez-moi votre proclamation. Certes, pensait l'envoyé, on le prendrait pour un grand prêtre, ou plutôt pour un tyran. Héros, dit Husk, cette proclamation ne sera lue ni sur la place ni ailleurs. Nous voulons le redressement de nos griefs, ou mourir en combattant pour l'obtenir. » Le héros demanda quels étaient ses griefs. « Moi et tous les miens, reprit le chef, nous nous rendons à Londres en pèlerinage auprès de Sa Majesté pour chasser du conseil le sang vil qui s'y trouve et y faire rentrer le sang noble, et pour obtenir la pleine restauration de l'Église chrétienne. « Veuillez me donner cela par écrit, dit le héros. » Husk lui fit remettre le serment que prêtaient les rebelles, et en même temps étendant la main sur ce papier, « Ceci est mon acte, » dit-il d'une voix retentissante. « Je mourrai pour le défendre, et tous mes gens mourront avec moi. » Le héros, intimidé par le ton d'autorité du chef, fléchit les genoux devant le capitaine rebelle. Il fut l'année suivante poursuivi pour ce fait. « Qu'une garde de 40 hommes l'accompagne, » dit Husk. Aussitôt, 30 000 hommes bien armés, dont 12 000 cavaliers, se mirent en marche sous les ordres d'Husk, de Lord Darcy et d'autres nobles du pays. Norfolk n'avait à leur opposer qu'une petite troupe dont ils n'étaient même pas sûrs. Aussi les rebelles étaient-ils convaincus que quand ils paraîtraient, les soldats du roi et peut-être le duc lui-même se joindraient à eux. L'armée catholique romaine arriva sur les bords du Don, de l'autre côté duquel, à Doncaster, se trouvait la troupe du roi. Ces hommes ardents, qui étaient 6 contre 1, enflammés par des moines fort impatients de rentrer dans leur nid, se proposaient de passer le Don, de culbuter Norfolk, d'entrer à Londres, de dicter au roi la mort de tous les partisans de la Réformation et de restaurer le pouvoir papal en Angleterre. La crue des eaux, augmentée par de grandes pluies, ne leur permit pas de franchir la rivière. Chaque heure de délai était un gain pour la cause royale. Les insurgés, n'ayant pas pris de provisions, durent se débander pour chercher ailleurs leur nourriture. Norfolk profita aussitôt de cet avantage pour répandre à profusion une adresse au milieu des rebelles. « Malheureux, y était-il dit, comment est-il possible que vous vous leviez contre la majesté de ce prince avec lequel vous avez remporté de grandes victoires? Fi, honte! Comment ne craignez-vous pas d'offenser celui qui vous aime plus que tous ses sujets? Si vous ne retournez chacun dans vos maisons, nous vous traiterons avec la plus rude courtoisie que l'on ait jamais montrée à des hommes, aimés autant que nous vous aimons. Mais si vous regagnez vos foyers, vous aurez en nous de chauds et nombreux intercesseurs auprès de Sa Majesté. » Cette proclamation était signée par les lords de Norfolk, Shrewsbury, Exeter, Rutland, Huntington, tous catholiques et les plus grands noms de l'Angleterre. Les révoltés se trouvaient ainsi dans la position la plus difficile. Ils devaient attaquer les soutiens de leur propre cause. Si les chefs qui avaient signé la proclamation étaient tués, l'Angleterre devait perdre ses meilleurs conseillers, ses plus grands généraux, et l'Église était privée des catholiques les plus zélés. La force de l'Angleterre serait immolée et le pays ouvert à ses ennemis. Le vieux Lord Darcy était pour l'attaque, le jeune Robert Haske pour la négociation. Le samedi 28 octobre, des commissaires des deux parties se rendirent sur le pont qui conduisait à Doncaster. Ceux des rebelles consentirent à mettre bas les armes, pourvu que les hérésies de Luther, Wycliffe, Huss, Melanchthon, Œcolampad et les œuvres de Tyndall furent détruites et annulées, que la suprématie fût rendue au siège de Rome, que les abbayes supprimées fussent rétablies, que les évêques et les lords hérétiques fussent punis par le feu ou autrement, et que le Parlement fût promptement réuni à Nottingham ou à York. Il n'y avait donc pas de doute. Le but de l'insurrection était d'écraser la réformation. Les noms de la plupart des réformateurs étaient cités dans les articles, et le feu ou le fer devait faire justice des plus illustres de leurs adhérents. Le même soir, on remit à Henri VIII une lettre qui avait pour adresse à son Altesse le Roi, Doncaster, samedi à 11 heures de la nuit. Hâte, poste, hâte, hâte, hâte. Les insurgés avaient eux-mêmes une telle hâte qu'ils n'attendirent pas davantage. Le lendemain 29 octobre, les lieutenants du roi lui annoncèrent à 1 heure après-midi que les rebelles s'étaient dispersés et étaient retournés dans leur maison. Deux chefs des insurgés, cependant, devaient porter au roi les conditions stipulées et Norfolk devait les accompagner. Ce catholique zélé n'était peut-être pas sans espoir que la pétition amenât le roi à se réconcilier avec le pape. Il se trompait fort. Ainsi, Dieu avait dissipé les forces de ceux qui campaient contre Wycliffe, Huss, Luther. Le royaume reprit sa tranquillité ordinaire. Plus tard, les hommes du Nord, soulevés par les intrigues du pape et de Reginald Pole, fait cardinal, prirent de nouveau les armes, mais ils furent battus. 70 d'entre eux furent pendus aux murailles de Carlisle, et les lords Darcy et Hussey, plusieurs barons, abbés, prieurs et un grand nombre de prêtres furent exécutés en divers lieux. L'habile archevêque d'York échappa seul, on ne sait comment. Les cabanes, les cures et les châteaux du Nord furent remplis d'angoisse et d'effroi. Henri, qui faisait couper la tête à ses amis les plus intimes et à ses femmes les plus aimées, ne pensait pas à ménager des rebelles. La leçon fut terrible, mais pas très efficace. Les prêtres ne perdirent pas courage et demandèrent toujours de nouveau le rétablissement du pape, la mort des luthériens et l'anéantissement de la réforme. Un événement qui arriva à cette époque semblait devoir favoriser leurs désirs. Un grand coup allait être porté à la réformation, mais les voies de Dieu ne ressemblent pas aux nôtres, et de ce qui semble devoir compromettre sa cause, il fait souvent sortir son triomphe.